Alors, un doute immense commence à troubler les esprits. L'idée qu'il faut surproduire pour qu'on surachète, c'est-à-dire l'idée qui domine la vie économique de tout le pays, est-elle si juste? Quand le marché est saturé et que la production continue, que devenir? On a fait une campagne de publicité pour que chaque famille achète 2 autos. Une seule ne suffit pas. Lui persuadera-t-on d'en acheter 3? On achète à crédit son auto, sa maison, son réfrigérateur, son pardessus, ses chaussures. Le temps vient pourtant où il faut régler son compte. Paul Azard, le malaise américain. Paul Azard dans le malaise américain, 1931, cité par Jean-Pierre Tertrais, du développement à la décroissance, de la nécessité de sortir de l'impasse suicidaire du capitalisme. Édition du Monde Libertaire, Paris, 2004. Micro ouvert. Ouvert. Les mots. Des oreilles. Des oreilles. Voilà, et j'en profite que j'ai la parole pour préciser une petite chose. Voilà, on est sur la Terre là, je suis sur la Terre, hein, parce que nous sommes sur la Terre, mais je suis sur la Terre et on parle aussi du nous sommes sur la Terre, hein, on n'est pas tout seul quoi, voilà, je ne suis pas toute seule, il y en a plein d'autres. Et je voulais préciser quelque chose, c'est que bon, c'est très facile de dire les autres, eux, ils, vous, voilà. Je pense que nous formons un tout, hein, que ce soit moi avec l'autre, enfin, toute seule, je ne suis rien du tout, enfin, ça me semble évident. Donc c'est un nous. Et le je, quelque part, vous savez, l'individualisme de dire le je, moi. Quelque part, ça n'existe pas. C'est quand même... c'est un nous qui existe, parce que tout seul, on n'existe pas. Bon, j'espère que là, ça va, tout le monde me suit. Et je voulais dire, que je voulais préciser que, par exemple, quand les politiques parlent qu'il faut aller voter parce que c'est justement pour ce nous meilleur, ce nous de recherche, de vivre ensemble, plus égalitaire, plus en harmonie avec la nature, plus... Bon, ça, c'est... Je tiens à le dire, c'est de la vaste bêtise. Ça ferait bien longtemps que si les pouvoirs politiques avaient mis en place un nous, un réel nous, pour changer les choses, voilà. Bah, ça ferait peut-être depuis longtemps que les choses changeraient ou bougeraient. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que c'est vrai que j'aime bien dire nous, mais par exemple à la table du monde, à la table des décisions prises par le haut, je ne suis pas invitée. Nous ne sommes pas invités non plus. Donc voilà, on peut dire nous, on joue le jeu de cette espèce de nous, et il faut bien différencier aussi que dire vous, c'est trop facile. Moi, je suis d'accord de dire nous, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire... on me demande de voter, déjà je trouve ça bidon, clairement, franchement je trouve ça bidon. Alors on te dit, va voter parce que sinon c'est les extrêmes qui se mettent en place. C'est vrai, hein, c'est une manière de voir. Mon vote, si je le donne, au moins il n'est pas pris ailleurs pour un extrême, je suis d'accord. Mais n'empêche, à la grande table, je le répète, hein, pour que ce soit clair, à la grande table... des négociations, du monde, on me demande pas mon avis. On ne nous demande pas notre avis, d'accord? Parce que moi, cette société de profit à tout prix, d'aller buter des gens dans le monde, d'être comme ça dans un extrême, une extrême violence, une extrême d'argent, une extrême... Moi, franchement, j'ai jamais été pour, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. We Donc on se retrouve ici à Bruxelles, la SBL début des haricots. Et alors sur la petite promenade de rencontrer les gars, se donner la parole au groupement d'achat solidaire, eh bien des personnes disent que c'est le début des haricots qui a mis ça en place. Voilà, présentation qui commence. Oui, donc effectivement, c'était en 2005 que l'idée de mettre en place des GAS à Jarmet au sein de l'ASBL qu'on venait de fonder, le début d'haricots. On était environ 8, dont certains étaient membres à titre de soutien, quoi, mais en fait vraiment d'actifs, on était surtout 2. Et enfin oui, et puis aussi plutôt 3, enfin bref, on était quelques-uns à avoir organisé des animations sur le concept de circuit court. Donc on avait envie de faire connaître à la population bruxelloise qu'une alternative pour se permettre, pour se réapproprier son alimentation, c'était de déjà acheter ses aliments dans le circuit court. Donc ça, le circuit court, c'est tout ce qui regroupe la vente directe, quoi, avec un minimum d'intermédiaires. Donc la vente sur les marchés, les paniers bio en partie, parce que bon, dans les paniers bio, il y a des produits qui viennent de grossistes, mais bon, il y a d'autres légumes dans les paniers bio qui viennent aussi en direct de producteurs locaux. Les groupes d'achat commun, enfin bref, il y a toutes sortes d'initiatives en circuit court, et l'une de celles qu'on voulait appuyer, c'était le groupe d'achat solidaire, qu'on avait, dont on, en fait ce modèle s'inspirait d'une démarche qui allait un peu plus loin avec les GAC, donc les groupes d'achat communs, et qui existait en Italie. Et aussi on a essayé de s'inspirer très vite aussi du modèle des AMAP, donc en France, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et également du système de l'agriculture soutenue par la communauté, ASC, qui est fort présent au Canada, aux États-Unis. Et alors, on s'est aussi inspiré d'une initiative qui est le Jardin de Cocagne, qui est la première initiative de ce type en Europe, qui s'était inspirée d'initiatives, des premières initiatives qui avaient germé au Japon, en fait, suite à un scandale qui touchait la chimie, où il y a plein de gens dans une ville qui sont morts, et les parents ont commencé à se mobiliser, former des groupes, à s'organiser, établir des partenariats avec les fermiers, etc., etc. Et donc, à Genève, c'est la première fois que ça a germé, c'est devenu le Jardin de Cocagne. Puis c'est parti, ça a essaimé en Amérique, avec l'agriculture soutenue par la communauté. Puis de là, c'est revenu en gros en France, avec les AMAP par exemple. Enfin, il y a eu plein de mouvements de va-et-vient. Et en 2005, on a voulu démarrer, s'inscrire dans cette démarche à Bruxelles. Alors, deux d'entre nous, on avait étudié l'agronomie, l'agriculture. On est tous bruxellois, mais il y avait plusieurs d'entre nous qui avaient étudié l'agronomie et l'agriculture et avaient envie de faire découvrir tout ce monde-là aux citadins. Et c'est un monde qui est un peu méconnu. Quand on va acheter ses aliments toujours au supermarché, tous ces aliments sont anonymes et on perd un peu le lien avec, on perd complètement le lien avec l'agriculture, les agriculteurs, la nature. Enfin, et donc petit à petit, on a aussi élargi nos activités, quoi. On a fait, en 2005-2006, on a fait environ une trentaine d'animations, comme ça. On a touché pas mal de gens, quelques centaines de personnes. Quel genre d'animation ? C'est un peu différents types, mais en général, c'était assez informel, généralement chez un particulier qui accueillait une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et là, on intervenait, on expliquait, on montrait des légumes d'une ferme paysanne, on expliquait les initiatives existantes, etc., etc. Et puis assez rapidement, des gens sont manifestés avec l'envie de créer un GAS. Et nous-mêmes, on avait aussi envie d'en créer un. Et donc, c'est comme ça qu'on en a démarré un, le tout premier à XL, dans une cave, quoi. Avec un escalier, un tout petit escalier étroit, où c'était un peu difficile de descendre les bacs à légumes, où les gens se demandaient dans quoi ils avaient débarqué, mais... Très vite, la dynamique participative s'est installée. Puis les initiateurs du groupe ont vraiment insisté pour que tout le monde participe. Bon, dès le début, on s'est confronté à des gens qui étaient plus dans la mentalité de service, de consommateur. Donc ils venaient là, ils croyaient qu'on allait leur offrir un service. Au début, on avait même pensé à installer un système de cotisation pour soutenir le développement des GAS à Bruxelles et qui serait proportionnel aux revenus des ménages. Mais on a eu une volée de boucliers là, parce que apparemment, dans la mentalité, la culture belge, dévoiler ses revenus ou même donner une tranche, une fourchette, se situer dans une fourchette de revenus, comme c'est pratiqué dans le jardin de Cocagne à Genève, ben c'est tout à fait tabou quoi ici. Donc on y a renoncé tout de suite. Et en plus, le fait de payer, c'est vrai que ça instaurait peut-être dans l'esprit de certaines personnes ce rapport de service et de consommateur quoi. Pourtant, dans tous les autres réseaux existants, que ce soit à Genève, en France, dans les AMAP, au Canada, eh bien il y a un système de cotisation qui permet de rémunérer, sans avoir recours à des subsides publics, de rémunérer un ou deux animateurs qui développent le réseau, renforcent la coordination entre les fermes et les participants. Et donc, on a, mais c'est assez modeste, on a un ou deux animateurs pour 500 ménages. Enfin, c'est pas un... Tu parles ici en Belgique de cette idée-là de trouver un animateur. Ça existe ici à Bruxelles ou tu parles d'expériences faites ailleurs qu'en Belgique? Donc je parle d'expériences faites ailleurs. Toutes ces expériences qui se situent donc dans la même lignée que les GAS comptent tout un système de cotisation qui permet de rémunérer un animateur. C'est ce qu'on a constaté lors de nos voyages, de nos rencontres à l'étranger. Et ici, on a voulu l'instaurer dès le départ, cette idée, mais on y a renoncé très vite suite à ce que j'ai expliqué, quoi. Et en même temps, l'idée de faire plus de l'autogestion et que les gens participent pouvait un peu... Enfin, buter un peu contre ce principe de cotisation dans l'esprit de certaines personnes. Donc finalement, on y a renoncé et finalement, c'est la bonne volonté de tous qui a permis l'initiative de se développer, quoi. Et finalement, un peu le chaos aussi, quoi. Ouais, peut-être. Surtout que, rapidement, on a défini des principes, des valeurs dans une charte, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient avec cette mentalité de consommateur. Mais, assez rapidement, il s'avérait que c'était pas suffisant. Mais quand même, c'est une bonne garantie. Ces gens-là, on peut après les interpeller en leur rappelant de relire la charte, de se resituer par rapport au projet. Et on voit souvent des gens opérer des changements quoi, dans leur latitude, leur comportement au sein du GAS. Ça arrive très fréquemment. Et donc des gens qui sont vraiment dans une mentalité plus d'organisation hiérarchique ou de consommateur et tout ça, ben, on les voit à travers les GAS petit à petit, progressivement, basculer dans une autre forme d'organisation. Et ça, c'est assez encourageant. Quoi. Et alors, par contre, au niveau des animateurs, finalement, avec le début d'Erico, aujourd'hui, là, on est en 2009. Le premier GAS a démarré en 2007, porté par les participants, avec un petit soutien bénévole de membres du début d'Erico qui étaient là pour vraiment convaincus et pour soutenir les premiers participants. Et ça s'est perpétué comme ça, année après année, on intervenait dans des animations de quartier à la demande de groupes pour expliquer les GAS. Et... Ouais, et donc... Pour expliquer le GAS, c'est ça que tu as dit ? Pour expliquer le fonctionnement d'un GAS et expliquer aux gens comment s'organiser en GAS. Donc, mais ça, on l'a fait de manière bénévole. Alors, maintenant, de plus en plus, on a développé des projets d'éducation à l'environnement, etc., etc. On a fait recours à des subsides, on s'est un peu exercé à cette... cet exercice de demander de l'argent au pouvoir public, etc. Et finalement, ça a marché, ça marche plus ou moins. Modestement, on fait nos preuves. Les pouvoirs publics nous accordent un peu d'argent par-ci, par-là. Et là, en 2009, on est dans un tournant et la région est prête à nous financer l'ensemble de nos activités pour toute l'année, quoi. Donc là, on doit maintenant passer nous-mêmes en interne dans une autre mentalité et établir une forme de planification, enfin, assumer plus de charges administratives, c'est assez lourd. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai dormi que 2 heures parce que je devais absolument terminer cette demande de subside. Enfin bref, c'est un peu... Et parce qu'en même temps, on a nos activités sur le terrain, et on a un peu pris dans cet engrenage-là, qu'on espère, on espère quand même parvenir à gérer ça au mieux. Mais donc dans ce subside, on a demandé un budget pour engager un animateur à mi-temps qui serait rémunéré donc pour diffuser les GAS, renforcer le réseau des GAS, renforcer les partenariats entre les fermes et les GAS. Enfin, un appui externe, quoi. Parce que maintenant, la ferme Arc-en-Ciel travaille avec 6 GAS, mais il y a environ 6 autres GAS aussi qui travaillent avec d'autres producteurs. Des producteurs qui ne sont pas toujours aussi convaincus et engagés que la ferme Arc-en-Ciel. Donc il y a tout un travail à faire pour que ces fermes évoluent aussi vers un modèle de pratique plus écologique, avec d'autres pratiques aussi de rapports sociaux et tout ça. Donc voilà, cet animateur-là, à mi-temps, bah, il aurait la fonction de contribuer à développer tout ça, quoi. Voilà, le réseau des GAS, enfin, on est partenaire du réseau des GAS, donc on va proposer que cette personne travaille étroitement avec le réseau. Bon, on ne sait pas encore qui c'est, tout ça, ni quand on va l'engager, ni si on va même avoir le subside, on espère, normalement, on nous l'a promis, mais bon. Après, il y a toute une procédure administrative, des arrêtés de gouvernement, etc., etc. En fait, ouais, on découvre aussi avec le début de Rico. Enfin, il y a personne parmi nous qui a vraiment été formé à la gestion des SBL, à l'administration, à des trucs comme ça. Et donc, on découvre sur le tas tous les rouages de la machine politique, législative et tout ça. Et alors ? Et alors, c'est la même logique que dans l'alimentation. Tout ça est un peu, tout ça est confisqué, quoi, en quelque sorte, par quelques-uns, parce que c'est devenu très technique, c'est devenu des matières que le commun des mortels, soi-disant, ne peut pas appréhender. Enfin bref, donc nous, finalement, petit à petit, on se réapproprie tout ça aussi. Et on espère qu'un jour, il n'y aura plus besoin de toute cette lourdeur administrative, toute cette bureaucratie, mais entre-temps, on essaie de jongler avec ça, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de présenter, de dire, de rajouter de... Sur les gaz peut amener une autre dimension, hein, du début des haricots. C'est vrai qu'entre le début des haricots et aujourd'hui, bon, vous positionnez comment ? Comment vous voyez les choses ? Sur un plan personnel, je veux dire que c'est intéressant parce que ça permet de... Enfin, moi, personnellement, je vais vraiment parler en mon nom. C'est que ça m'a vraiment donné confiance en un tas de capacités quand on voit, quand on se regroupe. Plusieurs personnes, chacun a des capacités différentes et on peut, je veux dire, on essaye par exemple maintenant au niveau de la gestion et entre guillemets, enfin des ressources économiques, je veux dire du début d'haricots, on a l'objectif que tout le monde puisse gérer soi-même les différents projets, que les personnes responsables des différents projets puissent gérer leurs projets et qu'il n'y ait plus une sorte de centralisation de la trésorerie, etc. Mais on n'a pas forcément des formations là-dedans, donc on essaye de trouver des moyens de se former, ou on s'échange des informations, mais on remarque quand même qu'il y a des aptitudes naturelles ou pas naturelles, j'en sais rien, par rapport à l'expérience personnelle passée, qui font qu'une personne va mieux parler en public, ou va représenter le début d'haricot, ou va avoir des connaissances de base sur un thème qui vont être difficiles. Je crois qu'en fait, au contact des autres, on se rend compte, parfois pas que des autres du début d'haricot, mais au contact des gens aussi en faisant des activités, moi j'ai réussi à me rendre compte que j'avais des connaissances que j'avais apprises tout azimut, en partie par mes études d'agronomie, mais finalement très peu au niveau du jardinage ou de l'agronomie concrète. Beaucoup d'observations, de discussions, de petites expériences, et que tout ça c'est un acquis de plus de 10 et 15 ans, un acquis personnel qu'on n'arrive plus à... On sait qu'on connaît des choses, on s'intéresse, on parle avec d'autres gens dans le même domaine. Et puis quand on s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas du tout le domaine, on se rend compte quel abîme il peut y avoir au niveau de la connaissance basique sur des choses que tout le monde peut-être devrait connaître pour pouvoir se débrouiller, ne fût-ce que planter des graines, des choses comme ça, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent vraiment pas du tout, du tout, du tout ce que c'est, en ville en tout cas, quoi. Et donc... C'est intéressant de voir que d'un côté ça nous valorise personnellement, enfin on se revalorise soi-même, je veux dire, parce que moi j'avais peut-être pas assez confiance en moi, et le fait d'avoir fait des projets avec des autres, de voir qu'on pouvait créer quelque chose de toute pièce, qu'il y avait une demande et qu'il y avait une demande croissante, moi ça me donne beaucoup confiance en moi et en l'avenir, alors qu'avant j'avais une vision beaucoup plus négative de l'avenir par le fait que j'avais envie de faire des choses mais je savais pas par où commencer, et tout seul je me sentais pas capable de le faire, quoi. Et donc vraiment le travail de groupe et le fait de s'associer, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Et aussi que peut-être aussi c'est une question de conjoncture actuelle, entre guillemets, mais qui va peut-être, j'espère, augmenter, c'est que les gens se préoccupent plus de ce genre de choses. Et alors qu'avant, c'était l'impression qu'on allait dans le mur et personne ne voulait réagir, quoi. Quand tu dis que les gens se préoccupent plus de ce genre de choses, tu dis pas ce genre de choses, c'est quoi? Oui, de ce genre de choses, d'un côté de l'environnement. D'un autre côté, des relations au jour le jour avec les autres dans un quartier, en ville, de se réapproprier des choses que chaque jour j'entendais à la radio, je voyais à la TV, ou je voyais, ou j'assistais à des conférences aussi, ça qui montrait qu'il y avait plein de choses qui n'étaient plus disponibles, plus accessibles aux gens, qu'il y avait plus aussi, il y avait un cloisonnement de plus en plus organisé, volontairement ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas des disciplines, et que les gens commencent à se rendre compte de ça et ont envie d'autre chose, quoi. On sent une envie dans le public en général, dans les gens dans la rue, de gens qui, il y a peut-être 5 ou 10 ans, enfin, j'ai travaillé un peu chez Greenpeace à un moment donné dans la rue, enfin pas mal de temps pour faire des abonnements et tout ça, mais en même temps, c'est un travail intéressant dans le sens où on est vraiment au contact avec toute la Belgique d'une certaine manière, un bon échantillon représentatif, il y a des gens à la Monnaie qui viennent de partout travailler, et donc on parle d'environnement par exemple, et on voit pas juste des gens qui s'y intéressent ou qui s'y connaissent, ou même quand ils s'y intéressent ou s'y connaissent, ils ont des points de vue différents. C'est différent d'être tout le jour avec des gens qui ont la même idée, quoi. On en parlait un peu tout à l'heure, et la même façon de voir les choses. Donc c'était vraiment très instructif, l'argumentaire aussi à développer, voilà, c'était très intéressant. Mais je sentais vraiment au fur et à mesure, parce que j'ai fait ça sur plusieurs années, pas toute l'année, mais voilà, quelques mois chaque année, on sentait une évolution dans le public vraiment, où les gens avant traitaient par exemple Greenpeace de radical, d'extrémiste, et les mêmes gens qui étaient pères de famille un peu rangés, avec des enfants, leurs femmes à côté, et qu'on voyait que c'était très classique. Après certains événements, comme par exemple la guerre, le début de la seconde guerre en Irak, les gens qui changeaient radicalement leur discours en quelques mois, on sentait les évolutions dans la société et le ras-le-bol qui s'installait du système en général, comment il fonctionne, du manque de parole ou d'écoute de la parole des gens, quand tout le monde dans le monde fait des manifestations pour dire on ne veut pas la guerre et il y a quand même une guerre. Et ça amenait les gens à réfléchir autrement, et on sentait des changements de base dans la société qui faisaient réfléchir plus les gens. Et donc là, je me suis dit, il y a des brèches, il y a des choses qui se créent, ou peut-être des choses vont pouvoir changer, quoi. Après, ça prend du temps, ça va pas forcément changer comme on le voudrait, mais ça montre qu'il y a quand même des mouvements possibles, des choses qui évoluent, et ça donne une source d'espoir, je veux dire. Et après, en plus, quand on voit qu'on lance des choses, que ça marche, qu'il y a un intérêt, et qu'on sent ça de manière plus globale dans le public avec qui on travaille, que c'est plus juste des convaincus, des, entre guillemets, comme beaucoup de gens les voient, des post-hippies ou des fils d'hippies, voilà, ou des farfelus, et qu'on peut être aussi soi-même, physiquement, éventuellement, avoir une image de farfelu parce que j'ai des dreadlocks, ou ci ou ça, et que les gens prennent ça comme quelque chose de pas sérieux ou quoi, et puis qu'on est capable de faire quelque chose et de transmettre quelque chose, que les gens écoutent et valorisent ce qu'on a à dire, ça donne confiance en soi et ça montre qu'il y a une ouverture aussi qui s'installe peut-être d'une certaine manière, quoi. Après, jusqu'où on a une perception globale de la société, comment elle bouge, je ne sais pas, mais on voit quand même dans les médias, la radio, il y a de plus en plus d'émissions qui parlent oui, des groupes d'achat sur les chaînes principales en Belgique. On entend de plus en plus ce genre de choses, ou sur des thèmes qui s'approchent un peu des thèmes de la décroissance ou quoi. On sent que dans la société, il y a des gens, même dans les courants mainstream, il y a des gens qui commencent à aborder des sujets comme ça, des journalistes qui n'auraient jamais parlé de ça il y a 10 ans, parce que c'était vraiment vu comme soit trop retour au temps des cavernes, soit complètement, ouais, farfelu ou absurde, quoi. Réaction là-dessus? T'as envie de rajouter quelque chose? C'est chouette si on peut entendre tout le monde, hein. On n'a pas encore parlé vraiment d'une autre action qu'on mène, qui se fait dans l'association. C'est donc les jardins collectifs, sur lesquels moi je participe beaucoup plus au sein de l'association. Ces jardins collectifs, c'est des espaces un peu qu'on se réapproprie sur la ville pour donner justement l'accès aux personnes à redécouvrir toutes ces choses simples, le contact avec la terre. C'est très intéressant de se rendre compte que, bah, en effet, oui, comme disait David, les personnes sont en demande, en besoin. Chaque fois, il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de personnes qui, suite à notre démarche d'ouvrir ce jardin collectif, en ouvrent même ailleurs dans la ville, viennent prendre des informations, et il y a comme un réseau qui se crée d'informations et d'échanges, un peu une solidarité en même temps. C'est très positif. Ouais. Et tu peux dire, par exemple, dans Bruxelles, où il y a des jardins collectifs, pour voir un petit peu les emplacements? Pour notre part, il y en a un pour l'instant sur Ixelles, hein, sur Molenbeek. Je sais qu'il y en a à Anderlecht, il y en a deux à Anderlecht. Il y en a à Eiterbeek qui sont en train de se faire aussi. Et à Forêt aussi, où il y en a. Ça, tu dis dans la forêt? À Forêt. Je suis curieuse d'aller. Je serais curieuse d'aller voir les jardins, où ils se trouvent, quoi. Est-ce que c'est vraiment un côté... Enfin, on est en ville, quoi. Enfin, je suis curieuse d'aller voir comment ça se met en place, quoi, un potager en ville. Oui, ce sera très intéressant, je crois, pour toi d'aller les rencontrer, parce que nous, on l'organise pour permettre aux gens du quartier de s'y coller, tandis qu'il y en a d'autres où c'est plutôt les gens du quartier qui décident de l'organiser pour pouvoir produire leurs légumes et pour pouvoir avoir les légumes. De meilleure qualité que ceux qui sont dans les supermarchés. Maintenant, pour ma part, ces jardins, c'est aussi l'occasion de pouvoir exprimer des choses que j'ai jamais pu exprimer. Je suis d'abord étudiant en architecture, et en permanence, je me confrontais dans mes projets avec l'institution qui se veut faire du neuf, enfin, des choses qui ne me correspondaient pas, où moi je trouve que voilà, on est dans un système qui est très consommateur où on construit, on détruit. En moyenne, toutes les maisons sont construites et détruites tous les 50 ans ou même pas. Alors on construit en béton, en dur pour être cassé, c'est vraiment pas très intéressant. En plus, tous ces matériaux vont à la poubelle. Et donc dans mes projets, j'aime bien de travailler avec ce qu'on considère comme un déchet. Mais en réalité, c'est pas un déchet, hein. Une poutre, ça reste une poutre bien placée et éternelle. C'est pour moi l'occasion de montrer qu'il y a moyen de faire des jolies choses avec nos déchets, quoi. Voilà, c'est ma part dans l'association. Voilà. Merci, merci. Quelque chose à dire, à rajouter? Je sais pas vraiment par où commencer, mais ou que rajouter. Beaucoup de choses qui ont été dites d'intéressantes. Moi, je suis arrivé dans cette association personnellement un peu par un autre volet. Plus en fait que j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé. Et à travers ma formation, j'ai toujours eu envie, ou j'avais toujours un peu une prémonition, ou en tout cas une intuition interne, une conviction, qui est devenue une conviction aussi, qu'on pouvait seulement, pour moi, faire évoluer notre modèle de société en ralliant les problématiques environnementales avec les problématiques sociales. Donc, j'ai dans mes stages, j'ai choisi souvent aussi de travailler dans des potagers avec des personnes handicapées, ou de donner cette orientation à mes actions. Et donc, par la suite, je connaissais le début d'haricots, parce que c'était des amis aussi, mais aussi parce qu'il y avait un partage, je pense, à peu près idéologique assez fort. Et aujourd'hui, sur les jardins, peut-être la dynamique sociale, enfin, le penchant social un peu éducatif du métier d'éducateur n'est pas forcément là, mais il y a des choses en tout cas assez magiques qui se passent en termes social et en termes de rencontres, justement, entre cet univers... de la nature, de la vie et finalement de la vie de la personne. Et comme ça, sur des jardins, vraiment des personnages qui viennent où on sent vraiment clairement que c'est curatif, hein, ça leur fait vraiment du bien. Autant de rencontrer des gens, autant que de mettre la main et de s'entourer et d'être dans autre chose que du béton, quoi. Et donc pour moi il y a cette dynamique là que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les constructions, mais je garde aussi un œil sur un peu la dynamique du jardin de la rue Gray. Et j'ai envie, dans le futur, de me donner beaucoup plus d'attention à ça. Et c'est vrai que j'étais venu aussi au début d'Areco avec l'idée de me dire, ouais, que la tour et taxi, on serait intéressant de faire, parce que c'est pas loin du petit château, de faire quelque chose avec les demandeurs d'asile et les jardins collectifs. C'est quelque chose qui est toujours dans ma tête, mais je me fais un peu déborder et c'est vrai que j'aimerais bien mettre ça un peu plus en pratique. Donc la rencontre des deux mondes, quoi. Ça, c'est un peu... Explique le lien entre le petit château et le... Qu'est-ce que... Explique... Enfin, je comprends pas bien. Ouais. Bon, c'est vrai que dans ma tête, c'est vrai que j'en ai fait un petit... quelque chose d'assez clair, mais c'est vrai que comme ça, je comprends qu'on comprenne pas tout de suite. Ben, moi, au petit château, il y a 800 personnes qui vivent dans un lieu complètement confiné, qui pour moi... Enfin, j'ai fait deux stages là-bas de presque un an, donc je suis passé un bout de temps là-bas. Pour moi, c'est un lieu vraiment qui rend fou, quoi. Enfin, c'est un lieu qui empire pour moi la situation de ces personnes-là. Je pense qu'il y a un réel besoin de sortir et de faire autre chose. Et aussi, ces personnes-là ne sont pas dans le droit de travailler en Belgique. Donc ils sont complètement passifs par rapport à leurs besoins primaires aussi. Et pour moi, leur permettre à ces gens-là de participer de participer à une réappropriation de leurs besoins élémentaires, qui serait par exemple la nourriture, une partie de leur nourriture, parce que là ils sont vraiment au petit château dans une position où ils peuvent pas travailler, et d'un côté ils doivent accepter ce qu'on leur fournit, le lit, la nourriture dégueulasse, et voilà. Donc et en plus de ça, je voyais vraiment une sortie de ces personnes-là dans le quartier, et la rencontre entre des gens du quartier qui viennent sur les jardins et ces demandeurs d'asile qui vivent dans ce centre. Donc vraiment une sortie un peu de ce milieu confiné, pour un peu lutter contre l'exclusion aussi de ces personnes. Mais aussi, je pense qu'il y a un grand partage qui peut se faire aussi, parce qu'il y a beaucoup de ces personnes qui viennent vraiment de pays qui étaient en guerre, etc., et qui, il y a 6 mois de ça, mangeaient et sûrement survivaient aussi de leurs légumes. Donc je pense qu'il y a aussi des savoirs à partager, des connaissances réelles à mettre en œuvre. Donc voilà, un peu. Est-ce que vous voyez quelque chose à dire spontanément, encore là-dessus, sur tout ça ? Ouais, moi je voudrais juste rebondir justement sur ce que Satya vient de dire par rapport à la guerre. C'est que, je m'amuse souvent à le répéter, mais pour moi... on est aussi en guerre ici, en Occident, quoi. Sûrement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la guerre froide et tout ça. Bon, bref, avec la mondialisation, l'ouverture des frontières, etc., etc., on a assisté vraiment à une montée en puissance de toutes les multinationales, des gouvernements qui se soumettent un peu à leur volonté. Et finalement... Je pense que c'est vraiment une guerre on est dans un état de guerre entre la population, les populations, les peuples, que ce soit en Europe, même s'ils s'en rendent pas compte, parce qu'ils se prennent pour des consommateurs heureux. Mais il y a une guerre entre ces multinationales et les peuples, quoi. Personnellement, je suis vraiment dans cette... J'essaie d'être dans cette dynamique-là de guerre. Ça peut peut-être paraître absurde, mais surtout en Belgique ou à Bruxelles. Mais c'est ce qui me permet d'aller de l'avant et de donner du sens à mes actions, aux activités aussi qu'on développe, que ce soit les jardins collectifs, les groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne. Les ateliers, les animations qu'on fait pour les enfants, tout ça c'est dans le but de permettre aux gens de se réapproprier leurs moyens de subsistance, de renouer avec la nature, aussi avec la politique, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire les affaires public de la cité, du quartier. Voilà, donc en quelque sorte, on serait dans une troisième ou quatrième guerre mondiale. Et avec la crise dont on parle beaucoup, là, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus palpable. Et le début d'Haricots, c'est aussi ça, c'est permettre de se préparer à la vie future, quoi, la nouvelle société qui est en marche, qui est en train de se... La quatrième guerre, quoi, c'est en dessous. Non, enfin, le but, c'est de sortir de la guerre, quoi, c'est de la remporter, quoi, cette guerre. Donc, Tu veux dire gagner cette guerre ? Oui, c'est ça. Donc le but, c'est de remporter cette guerre et de participer à l'avènement d'une nouvelle société vraiment... Enfin, une société libérée de l'emprise du capital, du pouvoir de quelques-uns, quoi. Et où la nature reprend sa place et où nous-mêmes, les humains, on réintègre notre place au sein de la nature, quoi. Donc c'est un peu le principe de l'écologie sociale, c'est de, comme disait Satya, c'est en écologie sociale, on soutient que les déséquilibres écologiques sont dus en fait à des déséquilibres au niveau de la société, que c'est parce qu'il y a des rapports hiérarchiques au sein de la société, que certains dominent les autres, que on met en place un système de domination de la nature et qu'on arrive à la situation actuelle, quoi. Donc si on veut résoudre la situation, enfin sortir de l'impasse écologique, il faut aussi en même temps sortir de la structure sociale actuelle, quoi. C'est pour ça que dans chacune de nos activités, on soutient les principes de l'autogestion, d'autonomie, de responsabilisation, de solidarité, de convivialité. Voilà, en gros. Et du boulot, hein. C'est un petit truc. Ouais, bah, c'était pour rajouter quelques petits... Enfin, ça va avec ce que Carrie a dit, mais c'est l'aspect de pas se laisser faire, quoi, en fait, quand il parle de guerre ou quoi. C'est vrai que moi, je le vois peut-être pas sous une forme de... Enfin, oui, c'est une guerre passive, je sais pas comment on peut dire. C'est pas une guerre avec la violence des armes, et encore, parce qu'il y a plein de gens qui sont victimes de ça, mais on les voit pas. Simplement, ici, quand on achète des produits, qu'on consomme des choses qui viennent d'ailleurs et qu'on sait pas, par exemple, que l'huile de palme, elle tue des gens en Colombie, à Bornéo, et dans des choses comme ça, c'est une guerre. C'est simplement qu'on la voit pas ici, quoi. Et c'est des conséquences de notre mode de fonctionnement ici. Mais c'est aussi pas se laisser faire ici, dans le sens où vraiment... soi-même rester éveillé et essayer d'éveiller un maximum de gens à ce qu'on arrête d'accepter, de gober tout ce qu'on nous raconte, qu'on arrête de nous raconter qu'on crée des guerres à tel endroit pour la démocratie et qu'à côté, d'un autre côté, il y a des guerres souterraines, des choses comme ça avec des armes et des gens qui s'ouvrent vraiment partout dans le monde et que ce n'est pas des cas isolés, quoi. C'est vraiment d'espérer pouvoir faire prendre conscience aux gens que ces choses qu'on voit qui se passent au Guatemala, au Mexique, en Colombie, en Indonésie, au Congo, c'est des choses qu'il y a partout dans le monde. Et souvent, j'ai l'impression que les gens y croient trop, que c'est un cas isolé. Et si on fait quelque chose, on pousse sur ce gouvernement-là pour qu'il y ait un respect des droits de l'homme ou ci ou ça, il va y avoir une solution qui va s'améliorer. C'est vrai que ça peut sauver la vie de certaines personnes parfois, mais c'est vraiment une façon de fonctionner globale qui entraîne un tas de problèmes globaux qui se concrétisent sur le terrain dans différentes régions de manière variée, mais c'est vraiment, ça ressort d'une façon de fonctionner générale qu'il faut essayer de changer, quoi, et d'essayer de faire prendre conscience aux gens que c'est pas juste une action, par exemple, d'Amnesty International qui peut être utile pour libérer quelqu'un, mais c'est vraiment une façon de fonctionner qu'il faut changer et que c'est ça qui cause les problèmes en majorité, quoi, au niveau social, environnemental, par exemple, économique, de montrer aussi les liens qu'il y a entre l'économique, l'environnement, le social, etc., et de décloisonner tout ça, c'est super important, quoi. Et d'ailleurs, de notre côté, c'est vraiment d'essayer de faire reprendre conscience aux gens d'où on vient, qui on est des êtres vivants, on a des nécessités de base qui ne sont pas satisfaites pour la majorité de la population mondiale et qui, pour nous, ne sont même pas satisfaites non plus, alors qu'on croit qu'elles sont satisfaites, parce qu'on compense comme en consommant des choses qui ne sont peut-être pas essentielles et de revoir vraiment d'où on vient et ce qu'on a besoin en tant qu'être vivant. Quoi. On est des animaux doués de raison, c'est ce qu'on dit, pas toujours en tout cas, mais qui ont besoin d'avoir un toit, de manger et de manger correctement pour pouvoir avoir une vie saine, je veux dire, pour avoir des relations aussi avec les autres. Les méfaits du sucre, c'est pas juste l'obésité ou quoi, c'est dans l'agressivité des gens. Il y a un tas de choses qui sont liées à la psychologie ou autre. Donc, il y a vraiment on se demande vraiment parfois pourquoi les gosses sont si nerveux dans les écoles, si ça, il y a peut-être des explications aussi liées à l'alimentation, à la façon dont ils fonctionnent. Et évidemment, il y a plein d'autres choses dans la société qui font qu'ils sont comme ça, mais je crois que vraiment revoir notre copie à ce niveau-là, que, d'où on vient, ce qu'on a vraiment besoin, se focaliser là-dessus, et puis après réfléchir ce qu'on peut faire à côté, quoi. Mais comment satisfaire ses besoins sans priver les autres populations de pouvoir les satisfaire aussi, quoi. Ouais. Pour ma part, j'entends Carrie et David, je pense qu'il y a le côté, moi, qui me touche le plus, c'est le bien-être et la satisfaction de sa vie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui pour l'instant, passe ses journées dans des environnements qui le déplaient, qui sont pas gratifiants. On pourra pas parler de salaire moral. Je pense que cette réappropriation de notre vie par l'alimentation, par chercher à accomplir nos besoins, peut-être le circuit court là aussi pourrait prendre une dimension comme ça, où on va directement faire répondre à nos besoins, par exemple. Bon, c'est extrême, mais construire sa maison, c'est un bonheur intense de pouvoir choisir vraiment la manière dont on va aménager ça et d'y mettre son énergie. Alors quand on voit l'intermédiaire par lequel on passe maintenant, on doit travailler dans un GB, pointer des trucs pour pouvoir payer pour avoir un salaire pour pouvoir payer son logement, et qui ne nous satisfait pas spécialement. Je trouve ça, c'est difficile. On vit dans un monde, je crois, de frustration permanente. Et c'est là où moi je vois ce côté de guerre. C'est on n'est pas d'accord, mais on est obligé de s'y soumettre. Et je pense que c'est en ça aussi. Ou si ce système change. Ça fera un bienfait général. J'avais juste envie de réagir un peu avec ce qui se dit là, ça ne dure pas longtemps. C'est que j'entends bien ce que vous dites, hein. Vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de changer ce système de merde, il faut le dire. J'avais envie de le placer. Mais comme vous parlez, ça fait comme si c'était les autres, vous voyez ? Ça fait comme si c'était les autres qui n'étaient pas bien, et moi, nous, on est bien. Bonjour. Vous me suivez ? Et je trouve que dans ce discours-là, si le monde il est comme il est, c'est parce que soi-même d'abord, on a une part. Je veux dire, qu'est-ce qui fait, si on doit réduire un peu la pensée là, que quelqu'un prend le profit par exemple, hein, parce qu'on parle du monde là-bas dans les autres pays, mais moi j'aime bien ramener aussi les choses ici. On se trouve en Belgique, regardons les inégalités qui se passent aussi à l'intérieur du pays, quoi. Hein, quand on voit les ghettos, même ici à Bruxelles, qu'on met les... Enfin voilà, je voulais juste réagir à ça, c'est de dire, ok, les autres ils sont pas bien, nous on est bien. Ça donne un petit peu ce sentiment-là, alors qu'à l'intérieur de soi-même, on a une part, et c'est ça qui fait aussi notre humanité, on a une part aussi de sombre, et qu'est-ce qui fait que l'un va dire, bon toi, va chercher mon truc, que j'ai pas envie de me lever, va le chercher à ma place. Voilà. On a ça en nous, vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire ? Il y a le temps, hein. Moi, je suis un peu... Enfin, je m'attendais pas à ce que je donne cette image-là. Moi, je me sens complètement dedans, mais je me sens réagir par rapport à... Et à me positionner pour moi, mais aussi pour plus que moi. Et donc, quand je dis les autres, si ça donne l'apparence des autres, en fait, J'aime bien les titiller là-dessus, parce qu'on dit vous, mais en fait, c'est nous quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est nous, et alors, en même temps, c'est des... Voilà, je suis un peu flou maintenant, mais je pense que dans l'association, on a beaucoup fait des actions qui ont pu avoir un peu un effet boule de neige, et c'est ça qui est génial. On pense à nous, mais nos besoins sont pareils à tout le monde. Du coup, quand on répond à nos besoins, ben, on répond aux besoins de tout le monde. Et c'est pour ça que ça marche assez bien. C'est vrai que le nous et les autres, le jeu et la société, c'est clair qu'on peut discuter longtemps de ça. Mais d'un côté, il y a quand même une... Il y a cette espèce de je sais pas, de division qui peut se créer, mais qui se crée peut-être sur base du fait que en prenant conscience des choses et en voyant la nécessité à une chose, on décide d'agir, on décide de passer à une forme d'action, aussi imparfaite qu'elle soit, et avec toutes les choses qu'on a à travailler en nous. Mais à partir du moment où on passe dans cette action-là, et que finalement il y a une force, la force de l'habitude, et aussi, moi je voulais revenir aussi sur la notion de nécessité de changement de système, qui n'est pas forcément visible pour tout le monde, ou pas, en tout cas les gens ne l'identifient pas forcément, et aussi la grande force de l'habitude. Et du coup, à ce moment-là, finalement, on est un peu... un grain de sable dans un grand engrenage, et ce grain de sable, ben, il se fait ou bien broyer, ou bien il est là petit, il résiste, il fait couiner la machine, mais d'un côté, cette grande machine, d'un côté, on a du mal à s'identifier quand on essaie vraiment d'œuvrer justement pour un changement de cette machine. Et je voudrais parler de la nécessité, parce que je vais prendre l'exemple, par exemple, de la privatisation au Pérou, si je ne me trompe pas, de l'eau, qui a tourné finalement en guerre civile. On leur demandait un quart de leur salaire pour payer l'eau qui était privatisée. On a même réussi à privatiser finalement l'eau qui tombait du ciel, l'eau de la rivière, etc. Mais eux, leur privatisation de l'eau est égale à une mort certaine de plein de gens. Et je veux dire, moi je ne suis pas pour une guerre civile, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens se sont soulevés. Cette privatisation ne s'est jamais passée parce qu'ils étaient en nécessité. Nous, on peut tout nous privatiser. On sait très bien que, en tout cas, on peut théoriquement continuer. Nous, on pourrait très bien pas prendre ces idées-là, pas ce combat-là, et continuer à soit toucher du chômage, soit du CPS, soit avoir un petit boulot mi-temps, et continuer à consommer au supermarché pendant un bout de temps. Et finalement, ici en Europe, bien planqué comme on est, on pense qu'on est planqué, mais finalement, je pense que les choses sont en train de changer aussi, et que je pense que une des bonnes choses qui peut ressortir justement de cette crise financière actuelle, quand même assez globale, est de se rendre compte que que le capitalisme ça ne fonctionne plus, qu'on ne doit pas pouvoir rester planqué pendant des années, et je pense qu'on va peut-être revenir à une certaine forme de nécessité de nos modes de vie, et ces nécessités, je pense, peuvent mener la société à un rééquilibrage par rapport à ses besoins, à son mode de vie. Parce que sinon, je pense que les gens sont bien trop installés dans un confort, dans une habitude des choses, qui fait que ça ne change pas, ou que ça change très lentement. Et c'est vrai que nos animations, notre réflexion, nos partages, on essaye que les gens prennent conscience. Mais je pense que d'une manière plus globale, il y aura une conscience de la situation qui se passe aussi par la nécessité et par un état de crise aussi, je pense, personnellement. Oui, moi ce que je voudrais pas non plus, c'est quand on dit on essaye que les gens prennent conscience, je veux dire, nous aussi on prend conscience, quoi. On a pris conscience de certaines choses, et puis au contact d'autres personnes qui vivent, d'autres associations ou de citoyens qui viennent sur les jardins ou autre chose, enfin dans la vie de tous les jours, quoi. Je veux dire, on prend conscience de plein de choses. Après, c'est parce que nous on a une certaine sensibilité à certaines choses et qu'on a une conscience de certaines choses, mais dans d'autres domaines, ben voilà, c'est moi je m'intéresse au social, mais je suis pas assistant social, donc je connais pas toujours la réalité. Je sais très bien, par contre, on n'est pas en train de dire non plus que les pays du Sud, les pauvres, et les pays chez nous, il y a pas de problème. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on travaille ici en partie, parce que les problèmes d'ici, ils sont nord-nord et nord-sud et sud-sud, quoi. Hein. Je veux dire, là, au niveau de l'agriculture, c'est aussi parce qu'on ne consomme pas, par exemple, les produits de chez nous, que les agriculteurs, les produits locaux, ruraux, à petite échelle, que les agriculteurs ici s'effondrent complètement et que ça devient une grosse machine infernale avec que des grands agriculteurs à la solde des multinationales qui ne gèrent même plus leur culture. Hein, parce que maintenant, c'est les marques de petits pois en boîte qui donnent une fiche aux agriculteurs avec ce qu'ils doivent faire, et c'est même pas l'agriculteur, j'en connais personnellement, qui récolte, quoi. C'est la multinationale débarque et récolte quand ça lui chante, et l'agriculteur il est juste propriétaire de la terre avec tous les risques que ça incombe. L'entreprise elle a pas de risque par rapport à la terre, et puis il est également main d'œuvre, quoi. de l'entreprise, mais il n'est plus indépendant du tout. Donc il y a des questions sociales, économiques, environnementales qui sont liées à nos modes de consommation ici, mais également au sud. Et souvent au sud, c'est plus grave, c'est pour ça que j'en parlais, dans le sens où souvent au sud, ça va se résoudre avec un flingue et pas avec, je sais pas moi, un juriste ou quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, c'est parce que c'est souvent, si je parle du sud comme ça, c'est parce que c'est souvent au sud que ça se passe de manière cachée et parce que c'est loin et qu'on peut pas le voir, mais il y a des populations du sud dans les grandes villes qui fonctionnent exactement comme ici et qui soumettent les agriculteurs à un joug colonial aussi d'une certaine manière, hein. Pour moi, on est vraiment dans une époque toujours coloniale, quoi. On n'est pas du tout sorti de là, quoi. Et ça, et mes études d'agronomie, je veux dire, c'est pour moi, c'était agronomie des régions tropicales. Je l'ai réintitulé agronomie postcoloniale parce que ça n'avait rien à voir avec de l'agronomie tropicale. Enfin, ça ne pouvait pas s'appeler comme ça. C'était vraiment que les grosses cultures d'exportation, que continuer à entretenir ce système où les pays du Sud dépendent de leurs des exportations, des produits qu'ils peuvent exporter pour rééquilibrer leur balance commerciale et ci et ça. Et donc, dépendre de la volonté du Nord. Donc il y a un problème encore plus gros entre Nord-Sud qu'entre Nord-Nord, mais qui se manifeste de plus en plus au niveau Nord-Nord aussi, quoi. Et donc c'est pour ça, c'est pas nous en Belgique et les autres ailleurs, et c'est pas nous au début des haricots où les gens, pardon, conscientisés et les gens pas conscientisés, c'est pas du tout sous cet aspect-là, quoi. Voilà, et on n'est pas des environnementalistes qui vont dire il faut faire quelque chose pour l'environnement et on s'en fout de ce qui se passe au niveau économique, social ou dans les quartiers plus défavorisés, on les appelle comme on veut, à Bruxelles. D'ailleurs, on travaille surtout dans ces quartiers-là par volonté, justement, de se dire si on essaye de, si on, comme on est conscient qu'il y a des problèmes ici aussi, on préfère travailler, donner, je sais pas, entre guillemets, des capacités ou des armes à des jeunes pour pouvoir cultiver un peu sur leur terrasse, dans leur jardin, là où ils auront peut-être moins facilement accès, et encore ça, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais peut-être moins facilement accès à ces informations que dans des milieux où il y a de l'argent en suffisance, et peut-être aussi ça pourra permettre de dépenser une partie de l'argent qui sera libéré de cette manière-là à une meilleure alimentation ou quelque chose, mais ça doit s'accompagner d'autres choses. Ça pourrait aussi simplement libérer de l'argent pour acheter encore plus de MP3 ou de ci ou ça. Ça, c'est des choix personnels des gens, mais bon, on espère qu'en parlant de tous ces thèmes et en, entre guillemets, conscientisant les gens, quoi, en tout cas en les informant de certaines choses, qu'ils pourront prendre des décisions de manière plus avisée. Voilà, c'est ça, quoi, l'objectif. Fini ? Et le stagiaire en écologie sociale, rien à dire ? Pas envie de réaction, non ? Ok. Bah, merci à tous, alors. Hein. Je ne pourrais pas te dire que j'ai fait de longues études, que j'ai lu tout Shakespeare et que ce ne fut pas rude. Je ne te dirai pas non plus que mon chemin était tracé, que je ne me suis jamais perdu sur des routes mal dessinées. Je ne me vanterai pas entre vieux camarades de cours d'avoir un bel emploi. que mes actions montent toujours, moi je n'aurais pas de passé. De magnifiques élèves au travail appliqué et qui jamais ne rêvent. Je n'assurerai pas mes arrières avec des diplômes mérités par ma studieuse lumière et mon travail acharné. Je ne ferai pas de longue carrière dans les hygiéniques couloirs d'une banque où je ne compte même plus mon salaire, car dans ma vie, rien ne me manque. Je n'aurai pas de congé payé pour un club merde en famille, ni de week-end prolongé à Crans-Montana ou aux Antilles. Je ne pourrais pas me permettre de faire 5 bons enfants et de bien leur transmettre ma large culture, mon bon allemand. Je ne pourrais pas les aider en latin ou en bio pour les maths appliquées, ni pour l'étude de Marivaux. Je n'aurais pas d'horaire sympa de 9h à 5h tapante, où je pourrais chaque jour chez moi cuisiner dans la détente. Je n'aurais pas d'habitude dans une vie sans repos, où il n'y a que l'exactitude. Pas d'habitude dans une vie sans rebond, où il n'y a que l'exactitude qui étouffe. Et voilà, vous pouvez aller réécouter Micro ouvert eh bien, sur un site. Alors on note Micro ouvert en un mot, Micro ouvert en un mot. Donc les deux os se touchent, oui. .magix.net, voilà. Et il y a quelques émissions qui sont dessus. Entre autres, celle-ci, vous pouvez aller réécouter ou continuer si jamais vous avez raté le début, on ne sait jamais. Voilà, ciao. Micro ouvert. Les mots ont des oreilles. Oreilles.